Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, cette semaine émission qui n'est pas en direct. J'ai sauté la messe du dimanche pour vous enregistrer ce programme, étant occupé en ce début de semaine, et je me suis dit que ce serait trop injuste de vous priver de votre asile hebdomadaire, l'émission qui prend soin de vos oreilles et de ce qu'il y a au milieu. L'Asile le plus sûr, le lundi à partir de 21h30 sur l'antenne du 94 MHz Canal Blé, également écoutable et podcastable avec toutes ses playlists et pas mal de liens et de commentaires à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Quantité de bonus, à peu près 160 émissions à écouter si vous vous ennuyez cet automne. Et on va démarrer avec un groupe que je découvre avec ce disque qui est, je crois, leur 7e album long. Et ça fait uniquement 4 ans qu'ils officient sous ce nom. Il s'agit de Kellar, qui est un duo d'improvisation rock basé à Brighton, dans lequel on retrouve le batteur Andy Pine et le guitariste Dan Cross. Ils viennent de faire paraître Sacred Cyclical Pilgrimage sur le label Foolproof Projects, donc totalement inconnu et totalement passé de l'autre côté du radar. Donc on va corriger le tir avec un extrait de cette production qui est très très réussie de Kellar, avec deux L et un K. Et à noter d'ailleurs que le label Foolproof a aussi édité une cassette d'Andy Pine sous le titre Eight Forms of Defense. Et je propose de démarrer tout bonnement avec le titre éponyme, donc Sacred Cyclical Pilgrimage par Kellar. Thank you. Vous êtes bien dans l'asile le plus sûr avec une séquence de titres tout aussi frais et totalement inédits que robotiques. Tout d'abord, Kellar et Sacred Cyclical Pilgrimage, qui est un nouveau projet qui existe depuis déjà 4 ans entre Andy Pine à la batterie et Dan Cross à la guitare, deux Britanniques donc, qui officient sous cet alias Kellar avec un nouvel opus Sacred Cyclical Pilgrimage. Alors ils n'ont pas vraiment chômé ceux-là puisqu'ils ont sorti pas mal de disques longs déjà ainsi que de 45 tours, donc une discographie déjà assez riche à leur actif malgré leurs 4 années d'existence. Vous pourrez vous en rendre compte d'ailleurs sur leur Bandcamp, ke2lar.bandcamp.com. Et on a enchaîné avec un autre projet tout aussi nouveau, il s'agit de Your Planet Is Next, le projet du Suédois Arvid Vretman, qui officiait aussi, il fut un temps, sous le pseudonyme de Sexazoid, et donc qui se produit sous cet alias depuis à peu près 2 ans. Il a déjà sorti des choses notamment sur Junkyard Connections ou encore Funeral Fog, et il récidive avec pas moins de 2 opus cette année, celui qu'on entendait Virgo Moon, qui est une cassette et titre en téléchargement sur l'excellent label Opal Tapes. Et il a aussi sorti un autre EP sous étiquette suédoise, cette fois-ci Studio Barnus, le EP qui s'intitule Y-Pin, qui est un tantinet plus technoïde, je trouve. Celui-ci est vraiment très très bon, le Virgo Moon de Your Planet Is Next, sur cet excellent label basé en Angleterre à Teesside de monsieur Stephen Bishop, Opal Tapes. On va continuer avec un autre projet qu'on vous a pas proposé non plus dans l'asile et pourtant on aurait pu. Il s'agit du trio Hexagonal, aussi expatrié entre la France et Berlin, entre messieurs Arnaud Maguet, Fred Bigot et Vincent Eplet. Ils avaient été à l'origine d'un disque au titre assez chatoyant, musique pour les plantes des dieux, à la fin des années 2000. Et puis après ils se sont constitués sous la forme d'un combo avec un vrai nom officiel. Il s'agit de Bader Motor, qui est une formation qui prend pas mal le côté germanique teuton robotique. Ils avaient sorti 2 autres albums sous le titre Grautag et aussi un 45 tours J'aime regarder les filles, ainsi que l'Indien, puisque les gens de Bader Motor adorent reprendre des standards. Ils avaient notamment repris Comedy Twist de Catalogue, morceau cultissime s'il en est de monsieur Jacques Bérocal. Et donc Bader Motor, c'est un peu une sorte de réchauffé du Faust de 1975, on pourrait dire. Donc le côté robotique, la tendance motorique de Faust se retrouve sur ce Bader Motor, qui a toujours des titres alambiqués et en allemand. Celui-ci ne déroge pas à la règle, il s'intitule Dry Dry Dry, et comme toujours il est produit par notamment le label de monsieur Eplet, les disques en rotin réunis. Je propose d'écouter un titre assez amusant qui fera en plus le quota de chansons françaises de l'émission L'Asile le plus sûr, Je pleure une loteux 49. Alors je suppose que c'est un hommage à loteux Lénia et aussi à Thomas Pynchon. On écoute un extrait donc de cet excellent disque de Bader Motor, la musique motorique de ces 3 lascars, avec cet extrait de Dry Dry Dry, Je pleure une lote 49. Thank you. petite triplette de titres aussi rafraîchissants que lysergiques dans l'Asile le plus sûr, qui a démarré avec Bader Motor, la rencontre entre messieurs Fred Bigot, Arnaud Maguet et Vincent Eplet, qui viennent de récidiver avec un tout nouvel opus sous le titre Dry, Dry, Dry. C'est sorti à la fin du mois de septembre. Ce disque vinylique aux éditions Les Disques en Rotin réunis. Voilà donc toujours dans les musiques un peu motoriques et chantées avec des textes très très bien troussés, je dois dire. Et on a enchaîné avec le nouvel album de Radiant, le fameux projet autrichien qui réunit depuis le milieu des années 90 l'excellent batteur et aussi électroacousticien Martin Brandelmeier, ainsi que Stéphane Nemeth, guitariste et aussi joueur d'électronique qui fait partie de Trappiste également en parallèle, et John Norman à la basse. Donc tous les trois officient depuis donc une vingtaine d'années dans les musiques qu'on pourrait qualifier d'un certain post-rock improvisé, avec 6 disques, 6 ou 7 selon comment on compte, 2 disques qui étaient sortis sur Rhys, petite série de disques aussi sur Thrill Jockey. Alors on entendait un petit peu moins parler de Radiant depuis la fin des années 2000, même si en 2014 il s'était fendu d'une collaboration assez étonnante aux côtés de Howie Gelby, et ils viennent de refaire parler d'eux avec On Dark Silent Off, un disque qui va sortir chez Thrill Jockey, donc le label de Chicago auquel ils sont abonnés depuis une bonne douzaine d'années. Ça va sortir au début du mois de novembre. Je crois que les préventes sont déjà faites pour ce disque de Radiant, et on écoutait le titre Rusty Machines de Sti Carpets, qui est un morceau, enfin plutôt une trame sonore sur laquelle ils improvisent. Et on a terminé avec un nouveau venu, l'énigmatique Yves Tumor et son Serpent Music, excellent album sorti aux éditions berlinoises de monsieur Bill Coligas Pan. Yves Tumor, qui était le pseudonyme de monsieur Bowie, Sean Bowie, multi-instrumentiste originaire des États-Unis et qui vit à Turin en Italie. Et bah, c'est quelqu'un qui fait des choses assez étonnantes, des textures sonores à partir de sons qu'il a enregistrés entre Miami, Leipzig, Los Angeles ou encore Berlin. Alors il y a un petit côté musique ethnique, ça me fait même presque penser à du Tazartes. La musique de Yves Tumor, pas sur le titre qu'on entendait, qui était peut-être un tantinet plus technoïde. Il y a des choses nettement plus dans un registre, on pourrait dire, d'une nouvelle musique ethno un peu étrange. Donc beaucoup de samples, beaucoup de spoken words, beaucoup d'ambiance assez plombée aussi sur ce disque de Yves Tumor, Serpent Music. À noter que ça a été masterisé comme toujours par monsieur Rachad Baker, et que la pochette est assez fantabulesque. On va enchaîner avec un autre projet assez incroyable. Il s'agit de Solaris et le disque Summer Edits, projet qui existe depuis 1974, figurez-vous, de 3 musiciens britanniques, Mark Sanderson, Richard Sanderson, donc sans doute son frère, et Mark Spy Bay, qui était fan de krautrock alors qu'il vivait à Teesside, dans le nord-est de l'Angleterre. Donc quand ils avaient une dizaine d'années, ils étaient fans de krautrock, nous dit le label. Et donc ils se sont retrouvés à partir du début des années 2010 pour rejouer ensemble, et ça a donné lieu à ces sessions Summer Edits, enregistrées donc pendant les vacances d'été entre 2010 et 2012. Le disque est assez étonnant, les improvisations enregistrées donc sans doute dans le garage de messieurs Sanderson et Spy Bay. Je vous ai mis 2 extraits à suivre de ce Summer Edits par Solaris. There's a force field on the front lawn. There's a maniac in the back of the A clone bust in the living room. A clone bust in the living room. Newscaster face turns green. Blue. Simple to noise. Written. Yeah. À l'instant, la plus sûr, vous avez entendu une séquence tout en finesse et en rythme qui a démarré avec Solaris et un extrait de Summer Edits, l'album sorti par Linear Obsessional, label britannique, trio britannique lui aussi, qui était donc un projet qui s'était constitué au milieu des années 70, qui n'avait pas enregistré à cette époque et qui s'est retrouvé à la fin des années 2000, début des années 2010 pour produire cet unique disque qui se veut une sorte de croisement entre la musique de Kahn et de Faust. Alors je ne sais pas si c'est dans les pas de ces deux groupes légendaires. En tout cas, c'est une musique plutôt assez agréable et réussie, ce Summer Edits de Solaris. Et on a continué avec Camberwell Now, qu'on appelle parfois Camemberwell Now, qui était la formation qu'avait créé au début des années 80 l'ex-batteur de ZZ Top, quand ce fameux groupe de free rock originaire du sud de Londres s'était dissous. Charles Bullen avait créé Life Tones, Gareth Williams avait créé Flaming Tunes aux côtés de Mary Curie, et Charles Eward, qui est un batteur qui a fait pas mal parler de lui aussi, notamment dans les années 70, pour avoir été l'un des batteurs de Gong, ou au moins en tout cas pendant 6 mois, et aussi de Quiet Sun. Charles Eward avait créé donc ce Camberwell Now, triumvirat aux côtés du bassiste Trevor Gorovny et du guitariste et aussi backing band de ZZ Top, l'ingénieur son Stéphane Ricart, et donc pour une musique beaucoup plus rythmée autour de la batterie de Charles Eward, avec des petits patterns rythmiques assez reconnaissable, en tout cas pour ce disque qui était paru au milieu des années 80, The Ghost Trade. Ils avaient sorti préalablement un EP Meridian et également donc un autre EP à la fin des années 80. Le groupe avait existé uniquement 5 ans, n'avait pas rencontré un franc succès. Réédition très très bienvenue de ce fameux disque The Ghost Trade, qui était sorti d'abord chez Ink Records pour l'Angleterre et également par les bons offices du label suisse Rec Rec, et ça avait été réédité aussi d'ailleurs dans les années 90 et 2000, toute la discographie de Camberwell Now en CD grâce au label de Chris Cutler Recommended Records, et le label Modern Classics Recordings vient tout juste de faire paraître donc une réédition de ce Ghost Trade accompagné des EP Collection en vinyle. C'est la première réédition en vinyle à ce jour de la musique de Camberwell Now, produite donc par cette subdivision du label Light in Attic, qui était le même label qui avait sorti aussi les rééditions de ZZ Top en début d'année, les fameux jaunes et bleus ZZ Top et Else Inefficiency. Alors des rééditions peut-être un tantinet trop chères, je trouve, à mon goût, mais en tout cas d'excellentes factures, toujours des belles galettes et des productions très très bonnes pour ces rééditions de Light in the Attic. On va continuer avec la musique d'un Norvégien. Il s'agit d'un guitariste, Kim Emir, qu'on connaît depuis une bonne dizaine d'années pour quantité de projets, plutôt dans la musique impro et musique un peu expérimentale, mais pas que. Et là, je propose sa dernière production aux éditions de la chouette hulotte Hubro Records, le label à qui nous avons consacré d'ailleurs une spéciale à l'été dernier. On écoute le Bloom de Kim Emir. Thank you.

3 nouveautés en jazz free ou assimilé dans l'asile obscur sur l'antenne 94 MHz. On a démarré avec le solo de Kimir, le guitariste norvégien, qui s'intitule Bloom, sorti sur Ubro Records. Kimir qui produit toujours beaucoup de choses. On le retrouve aussi pour un disque aux éditions Sofa, dont s'occupe monsieur Ingar Sash, le percussionniste, dans le projet Circadia, avec un disque qui vient tout juste de sortir également sous le titre Advances and Delays, aux côtés d'un autre guitariste, David Stakenas, et Tony Buck est à la batterie, Joe Williamson à la basse, et ça a été enregistré d'ailleurs par Martin Sievert de Radion, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et on a enchaîné avec la musique de nos stambouliotes préférés, Construct, et un disque que je ne vous ai pas proposé jusqu'ici. Il s'agit d'une cassette qu'ils ont sortie aux éditions Astral Spirits, qui est la subdivision de Monophonus Press, donc un disque cassette et téléchargement live at Islington Mill, enregistré donc en compagnie de musiciens britanniques le 12 août 2015, très exactement. Les Constructs qui ont commencé à se produire un peu en dehors de la Turquie, et c'est justice d'ailleurs. Ils avaient joué à Venise juste avant ce concert en Angleterre. Ils se sont produits d'ailleurs aussi au Café Otto aux côtés de Alexander Hawkins, et on retrouve toute la bande autour du claviériste et aussi guitariste Umut Saklar, qui joue pas mal d'instruments avant également, et qui donc aux côtés de ces musiciens britanniques qui au saxophone, clarinette et guitare électrique, et aussi synthé modulaire pour Sam Weaver. Voilà, donc ça fait une musique qui fait pas mal penser au Miles Davis des années 70, de l'époque Agartha, ce genre de choses, ce live at Islington Mill. Et ceci pour vous signaler la venue de Construct en France, avec un concert qui aura lieu mardi 25 octobre, donc mardi en 8, c'est comme ça qu'on dit, aux côtés de Squadra Omega. Ils font une tournée européenne, les Construct, qui s'arrêtera à Paris aux Instants Javiré de Montreuil, plus exactement donc mardi 25 octobre. Si vous êtes dans le secteur, une soirée à ne pas manquer. Et on a terminé avec un troisième album, et là il s'agissait de la rencontre entre Steve Noble et un saxophoniste que je n'ai pas vraiment beaucoup pratiqué, qui est d'ailleurs lui aussi norvégien, Christopher Bear Alberts, pour un live qui vient tout juste de paraître lui aussi aux éditions portugaises Clean Feed, Coldest Second Yesterday. Et c'est vraiment très chaud, ce disque entre Steve Noble et Christopher Bear Alberts, le batteur britannique qui produit beaucoup de choses, notamment aux côtés de saxophonistes. On l'a entendu récemment par exemple avec Peter Brotzmann, Akira Sakata, Martin Kutchen ou encore Julie Kscher, musicienne elle aussi d'origine norvégienne. Je propose donc enchaîné avec un autre disque de free, et pas des moindres. Il s'agit d'un excellent album du batteur Abbé Raider et son quartet, en compagnie d'un autre vétéran, Kid Jordan, au saxophone. Abbé Raider, qu'on avait rencontré ces derniers mois, je vous ai déjà proposé un disque de ce monsieur, qui est quelqu'un qui a commencé dans les années 60 à jouer du jazz plutôt moderne. Il a connu notamment aussi la période de la Loft Generation des années 70 à New York. Il a côtoyé un peu tout le woo-woo de la musique free américaine. Il a un style qui fait pas mal penser, je sais pas, on pourrait dire un croisement entre Rachid Ali et Ed Blackwell. Et donc il vient de faire paraître un nouvel album sous le nom de Réunion, aux côtés de Kid Jordan. C'est un disque qui est sorti d'ailleurs sur son propre label, comme il fait toujours, donc le fameux Abray Production. Et on le retrouve aux côtés du saxophoniste John McMinn, qui est donc le soprano et alto. Il y a aussi un autre sax ténor et Kid Jordan également au ténor, donc ça fait pas moins de 3 saxophonistes. Et le contrebassiste est Kyle Muttle. Les titres sont vraiment très très longs, mais c'est un disque vraiment extrêmement réussi. Bah, je propose d'écouter le morceau qui démarre ce Réunion de l'Abbey Raider Quartet en compagnie de Kid Jordan, New Found Spirit. Thank you. Voilà le genre de musique qu'on pourrait écouter pendant des heures, le Abbey Raider Quartet en compagnie de Keith Jordan, enregistré au défunt Performing Arts Exchange PAX à Miami. Voilà le batteur qui a fait partie notamment des big bands de Gunther Hampel et qui a joué aussi aux côtés de Billy Bang, entre autres, et qu'on retrouvait donc ici aux côtés de monsieur Kid Jordan, autre vétéran notamment des orchestres de William Parker ou aussi aux côtés de Alan Silva. Le disque s'intitule Réunion. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'intégralité de ce programme et retrouver les playlists à partir du blog asile35.blogspot.fr avec tous les podcasts et écoutes en stream. On s'écoute un dernier titre pour la route et cette semaine ce sera la musique de l'Argentin Federico Durand qui officie depuis pas mal d'années, depuis le début des années 2000, avec quantité de disque sous son nom, notamment aux éditions 12K, comme ça a été le cas en ce début d'année avec un disque qui s'intitulait A Través del Espero. Mais là je propose d'écouter sa dernière production en date. Le disque s'intitule Jardín del Invierno. Il est sorti sur l'excellente marque Tokyo Hit Spec avec 2K, alors que ça continue de s'agiter derrière moi, ce disque de Abbey Raider Quartet particulièrement furieux. On s'écoute donc cette musique nettement plus ouatée de monsieur Federico Durand. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine. À bientôt. Thank you.